Voici maintenant une capsule de la série La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. Septembre 1968 à février 1970, de la première crise au sanatorium de Mittelberg. C'est en septembre 1968, quelques jours après la rentrée scolaire, que semble se produire l'entrée d'Anneliese Michel dans ce monde étrange qui finira par la tuer. En pleine salle de classe et sans le moindre signe annonciateur, elle tombe soudainement dans ce qui ressemble à un état second. Sa camarade, Maria Burdi, parvient à la faire revenir à elle et s'enquiert rapidement de ce qui s'est passé, mais Anneliese l'ignore. Elle attribue simplement cette absence à un excès d'études. Mais le soir même, les choses se compliquent singulièrement et la peur fait son apparition. Un peu après minuit, Anneliese se réveille, se rend compte qu'elle est incapable de bouger, sent une force lui écraser l'abdomen sur le plan du lit. Elle perd ses urines et respire avec difficulté. Effrayée, elle tente d'appeler à l'aide, mais aucun son ne parvient à sortir de sa bouche. « Sainte Mère de Dieu, je suis en train de mourir », pense-t-elle. Mais moins d'une heure plus tard, tout est fini, comme si rien ne s'était passé. Anneliese change alors les draps de son lit et tente de trouver le sommeil. Le lendemain, se sentant fatiguée, elle garde la chambre et essaye tant bien que mal d'expliquer à sa mère ce qui lui est arrivé. Le souvenir de l'incident se dilue dans les semaines et les mois qui s'écoulent sans particularité. Anneliese semble redevenue une jeune fille comme les autres. C'est alors que, le 24 août 1969, soit à peine un an après le premier épisode, une crise strictement identique se reproduit. Cette fois, la mère d'Anneliese s'inquiète et l'amène en consultation auprès du médecin de famille, le docteur Vogt. Celui-ci soulève la possibilité d'une pathologie cérébrale et réfère de suite la patiente au neurologue Siegfried Lüthi. L'examen neurologique est tout à fait normal, ainsi que l'électroencéphalogramme pratiqué le 27 août. Le diagnostic provisoire est celui d'épilepsie de type nocturne, avec symptômes de crise grand mal. La question de savoir si le docteur Lüthi a dès lors prescrit un anticonvulsivant, en l'occurrence le Zantropil connu en Amérique du Nord sous le nom de Dilantin, n'est pas claire. Il dit que oui, dans une lettre adressée aux enquêteurs le 16 juillet 1976, lettre d'ailleurs introuvable, mais que non lors de son interrogatoire par le tribunal. La rentrée scolaire de l'automne 1969 ne se passe pas bien. Anneliese a de sévères maux de gorge justifiant l'ablation des amygdales. Peu après apparaissent une pleurésie et une pneumonie, le tout compliqué de tuberculose. Anneliese doit suspendre ses études dans l'attente de se sentir mieux. Ce qui n'arrive malheureusement pas. En février 1970, elle est transférée à l'hôpital d'Aschaffenburg, puis, le 28 du même mois, au sanatorium de Mittelberg, dans le sud montagneux de la Bavière. C'est un endroit où elle se sent terriblement seule, mais elle ne le restera pas bien longtemps. Dans quelques mois, elle y recevra la première visite de ce lui, concept ou réalité, en qui elle affirmera avoir reconnu le diable. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose », présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.